engagé, engagé, engagé. Opprobre, joie de pas, opprobre, joie de pas, opprobre, joie de pas, comme un gardera, gardera. Ricon, ricomplice, ricon, ricomplice, ricomplice, ricomplice. Opprobre, joie de pas, opprobre, joie de pas. Au propre, je ne parle que d'une.